British Connection. You rock. J'aime pas le rock. Go! Salut les amis, c'est Philippe, c'est British Connection pour votre dernière émission de la saison. Quelle tristesse, mais je vous promets, on va pas se quitter comme ça avec un album de la semaine, celui de Little Nemo, Estérel Session, la série live, le bal des enragés. Philippe Gonin nous parlera du groupe Cure. Et dans cette première demi-heure, deux nouveautés, Muse et Davin Byrne. Bienvenue, on est ensemble pour deux heures de rock, d'excellent rock. Et DJ Zebra rend hommage à Arnaud avec cet excellent titre, Seven Nation Arnaud dans British Connection. Big Udo Dynamite est fait formé par Mick Jones des Clash en 84 de Globe. Break it on down. Bless you. Bless you. Oh, bless you. Bless you. Where are you going, my beautiful friend? Is this the road that we take till the end? And if we break down, are we left behind? Is this the highway? Of all mankind. Axis spins around and round we go. Where we're going no one really knows. Here we go. Feel the fire way down below. Come on, it's party time. Switch on the strobe. Do what you like. Yeah. Get up and clean your teeth and have a shave. It's 1 a.m., let's go out to a rave. One more in before we hit that grave. It's hotter than a microwave. Wave. Come on, dim the lights. It's party time. Switch on the strobe. Do what you like. Do what you like. We're gonna have a ball tonight. Let's have a ball down at the club. Well, I am the Bishop of Brixton, on my way to the garden party at the palace. Where's the party, officer? Come on, dim the lights. It's party time. Switch on the strobe. Do what you like. We're gonna have. Fags a day. Ow! So have you ever asked Ow! Yourself? C'est Fifou pour British Connection, votre émission rock'n'roll. Souvent imité, jamais égalé. C'est British Connection, votre émission rock. British Connection, l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Trapped in ember. Vous avez annoncé Muse au dernier Hellfest, on avait été assez dubitatif. Alors, je ne sais pas si vous, vous y étiez la semaine dernière au Hellfest. Moi, j'y étais et je peux vous dire que Muse a très, très assuré, surtout avec ce nouveau single Unraveling. Et puis, on vient de diagnostiquer à Morten Harket, le chanteur de AA, la maladie de Parkinson à 65 ans. C'est la bad news de ces dernières semaines. Allez, AA dans British Connection. I've been losing you. It was a rain that washed away, rinsed out the colours of your eyes. Putting the gun down on the bedside table, I must have realised it wasn't the rain that made me dance. I could have sworn it wasn't me, yet I did it all so cold. Sing your essence like a snake. I've lost my British Connection? Just rock! Just rock! Placez-vous, nous reprenons du Talk Talk. Et puis si vous aimez Marc Hollis, il y a un podcast via la page Facebook de British Connection qui est très très très très intéressant. Marc Hollis, le chanteur de Talk Talk qui nous a quittés il y a quelques années. Écoutez les podcasts de l'émission via la page Facebook de British Connection. You rock! One, two, one, two, three, and... Everybody laughs and everybody cries. Everybody lives and everybody dies. Everybody eats and everybody loves. Everybody knows what everybody does. Everybody's going through the changes. Every complication. What you say with gesture and expression in my imagination. Every mobile phone, in every restaurant, everyone we know, and everything you want. Everybody wonders what you're gonna do. Everything is closer, everything is true. Everybody's starting everything again. Everybody's outside now, they're coming in. Everybody's going through the garbage, looking for inspiration. Some will find it staring at the ceiling of the subway station. Everyone you love in every kind of way, everything you know in every single face, every change of heart and every saving grace, every song we sing in every kind of place. Everybody looks and everybody sees, everybody's asking, everybody please. Everybody's front. Première partie de l'EP de la semaine, c'est le tout nouveau Little Nemo, c'est un EP, il s'appelle Esteren Session et c'est dans British Connection. Salut, c'est Aaron de Little Nemo, on vous présente Live the Dream, qui figure sur notre EP Esteren Session. Alors au départ, l'idée de ce titre est venue des influenceurs sur les réseaux sociaux, qui montrent une pseudo-vie de rêve, en fait complètement artificielle, et de leurs followers qui vivent leurs rêves par procuration, plutôt que tenter de les vivre dans le monde réel. On vous laisse donc avec Live the Dream. British Connection, l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock.